soit tôt, qu'il soit tard, Gina est là sur son trottoir. 30 piges qu'elle fait ça, Dieu sait quand ça s'arrêtera. Elle continue pas par besoin, elle en a de côté. Elle manque de rien, mais à quoi bon rentrer? Son homme s'est barré avec les anges, elle veut le retrouver. Et en attendant, Gina reste là, même s'il y a pas de client. Gina, elle s'en bat, elle a toute sa journée, c'est sa vie, c'est son choix. Elle a toujours géré, elle se fout de ce qu'on dira. De toute manière, elle en a rien à faire. Gina reste là, c'est sa vie, c'est comme ça. Elle a pas eu d'enfant, obligé, pas par choix. Son mari croyait qu'il ne pouvait pas. Non, c'est tout simplement que Gina voulait pas enceinte pour faire l'argent. Surtout qu'il savait pas ce qu'elle faisait vraiment, car il n'aurait pas voulu tout simplement d'une femme de joie. Elle a fait semblant, rusé la Gina, elle les aimait tellement, choisir elle voulait pas. À toutes les Ginas du monde, des bois touffus et des rues sombres, à toutes celles qui vendent de l'amour par choix, celles qui s'assument belle de nuit, belle de jour, belle des bois. Je t'ai dit cet hommage posé sur un instru sage. Mesdames, soyez sûres de ça, c'est que vous avez les vœux de Scalpa. À toutes les Ginas du monde, des bois touffus et des rues sombres, à toutes celles qui vendent de l'amour par choix, celles qui s'assument belle de nuit, belle de jour, belle des bois. L'histoire de Gina, parce qu'elle bosse juste en bas de chez moi. Toujours un bonjour, un petit mot sympa. Cette femme sent l'amour, même si ce n'est pas du vrai, du lourd. Le client de Gina repart apaisé et il oubliera. Gina restera là à attendre le prochain. Peut-être ne viendra-t-il que demain. À toutes les Ginas du monde, marchande d'amour, minute ou seconde, c'est toujours mieux qu'une vie vide de sentiments, même si ceci ne s'acquiert qu'à l'argent. Les Ginas sont des médicaments pour ceux que la vie malmène méchamment. Pour tous les cœurs souffrants, les Ginas soignent le temps d'un moment. À toutes les Ginas du monde, des bois touffus et des rues sombres, à toutes celles qui vendent de l'amour par choix, celles qui s'assument belles de nuit, belles de jour, belles des bois. Je t'ai dit cet hommage posé sur un instru sage. Mesdames, soyez sûres de ça, c'est que vous avez les vœux de Scalpa. À toutes les Ginas du monde, des bois touffus et des rues sombres, à toutes celles qui vendent de l'amour par choix, celles qui s'assument belles de nuit, belles de jour, belles des bois. Ces femmes que la morale diffame, alors que l'on devrait les remercier pour tous les blessés qu'elles ont soignés. À toutes ces dames des rues, des bois touffus, marchands d'amour de nuit, de jour, et un énorme à celles qui souffrent car elles ont cru l'homme qui leur faisait miroiter une vie rêvée. À toutes les Ginas du monde, sachez que l'insincérité inonde ces vers qui vous sont dédiés. À toutes les Ginas de la terre, je vous salue toutes jusqu'à la dernière.